toute façon que la, toute la documentation qu'on collecte dans un événement peut être utilisée pour Teshidola ou pour quelque, n'importe quelle autre plateforme. On va essayer de collecter des photos, des textes, des vidéos, de audio et de films. On ne le fait pas directement sur Teshidola, on le fait sur des autres plateformes comme MediaWiki Commons, par exemple. Si vous voyez là, dans ces deux papiers jaunes, il y a un lien. Là, vous, vous pouvez trouver la proposition qu'on fait de comment documenter. Expliquer simplement, on a essayé de l'expliquer simplement en français, en espagnol, en anglais et en italien, ça va être en italien et en catalan. Et là, il y a déjà dans ce lien-là, si vous y, vous pouvez y accéder avec vos téléphones portables et avec l'ordinateur aussi, et vous trouverez déjà une petite partie de la documentation d'hier. Mais c'est une petite partie. Il y a des photos de post-it et de travail qu'on a fait, mais il manque encore le texte qu'il y a des gens qui ont collecté les conversations qu'il y avait dans les séances. Si vous voulez, vous pouvez partager cette information. Ce que serait parfait, c'est qu'il y aurait une personne qui a été dans une séance hier qui se ferait responsable de la documentation de chaque séance, de la séance. Par exemple, la séance des outils juridiques, il y avait Raquel, et ça serait intéressant que Raquel s'occupe de ça. Dans la séance de puissance publique, il y avait une autre personne que j'ai parlé tout à l'heure qui m'a dit qu'elle avait des notes si elle veut se occuper de ça. Aussi, il y a Anaëlle qui est en train de dessiner. Elle veut publier ses dessins dans MediaWiki Commons et on pourrait le lier à Teshidola. De façon que chaque dessin qu'elle fait de chaque séance c'est lié à la séance correspondante. Après, ça c'est tout pour hier et pour. Et pour les séances d'aujourd'hui, on a préparé trois fiches que Frédéric a ici. La première, c'est une fiche pour les séances. On ne sait pas combien de séances on va voir, mais ça serait intéressant que dans chaque séance, il y a une personne qui s'occupe de documenter ce qui se passe dans la séance. On a le titre de la session, après les enjeux et menaces qu'on identifie dans chaque séance, les opportunités, les projets qui ont été mentionnés, et des organisations et groupes qui sont mentionnés dans le document, et s'il y a des remarques spéciales. Ça, c'est une feuille pour la séance et une personne qui devrait s'occuper de faire de l'ouvrir. Quand on la remplit, on peut faire une photo de la feuille et la monter sur MediaWiki Commons. Et si on a des problèmes pour le faire, on peut nous trouver, à moi ou à David, la personne de là. Et on peut vous aider à la monter. Et aussi, il serait intéressant qu'on garde la fouille en papier aussi et on les donne à Frédéric Cortouin. Ça, c'est la fouille de chaque séance. Il y a une deuxième fouille. Fiche qui c'est pour des expériences. Là, ça serait intéressant aussi qu'il y ait une personne qui s'occupe des expériences dans chaque séance. Mais ce n'est pas seulement une fiche, c'est une fiche pour chaque expérience qu'on mentionne dans la séance et que c'est important ou intéressant de documenter. Et la troisième fiche, c'est des mots. On voit qu'il y a des mots qu'on utilise en français et que ça ne correspond pas à des autres mots qu'il y a dans notre langue, ou peut-être que ça correspond, mais ce sont des mots qui sont clés, sont intéressants dans la sorte de conversation qu'on est en train d'avoir ici. Par exemple, tiers-lieux, lieux intermédiaires, etc. Pour comment on a discuté hier. Donc, on va proposer une séance pour discuter sur des mots et les concepts qui vont lier dans les mots. Et on a préparé une fiche pour cette séance-là. Alors, concrètement, on a 20 fiches qui sont déjà imprimées et on a une imprimante si jamais on a besoin de plus. Et surtout, c'est important de faire une photo et partager la photo des fiches à travers le MediaWiki.com ou en envoyant la fiche par email à nous. L'email, c'est dans le lien que vous pouvez trouver quand vous y allez avec votre téléphone. Tout simplement, peut-être pour rajouter que si vous avez des documents, si vous faites des photos, alors les photos c'est sur Wiki Commons, on les verse, mais si vous avez des documents, des enregistrements audio ou bien des vidéos, à ce moment-là il faut voir avec Yves ou moi pour les enregistrer sur le nuage en commun de façon à pouvoir les partager aussi. Donc, si vous avez des documents audio ou vidéo, on peut aussi les collecter. En voyant directement comment on les téléverse sur nuage en commun. Merci. Maintenant on va entrer. Juste un mot par rapport à la communication. Il y a quelques personnes, un peu l'équipe des Irlandais, moi et d'autres qui sont intéressés par produire des articles plus journalistiques. Donc, si vous voulez qu'on taille votre portrait, je pense que le format, ce sera une image, que ce soit une photo ou une illustration, avec un texte un peu vivant. Ben, voilà, on commence ça, et puis je ne sais pas encore comment on va capitaliser, valoriser, ça finira sûrement en Teshidora, mais voilà, ça existe. On passe au forum ouvert. Donc là, bonjour à tous, et la proposition du forum ouvert, c'est qu'on va construire le programme tous ensemble, donc c'est une responsabilité collective. Donc on va essayer dans un premier temps de dégager les sujets sur lesquels on souhaite discuter aujourd'hui. On a 4 rondes d'ateliers, 2 ce matin et 2 cet après-midi, et ensuite on se retrouvera à 17h. Pour la mise en commun et l'assemblée en plénière. On n'aura pas d'autre temps collectif que celui de ce matin avant de se mettre en atelier. Donc en début d'après-midi, directement, ce sera les rondes d'ateliers qui se formeront en fonction des thématiques qui auront émergé. Donc voilà, chacun de trouver sa place. Bon, les forums ouverts pour celles et ceux qui ont déjà participé ou qui n'ont jamais participé, bah, y a quelques principes très simples. Déjà, bah, les personnes qui sont ici sont les bonnes personnes. Nous sommes les personnes qui allons contribuer. Donc, le deuxième chose, c'est ce qui arrive, c'est ce qui devait arriver. Donc, ce sera à partir de notre créativité et de nos échanges qu'on va construire tout ça. Ça commence. Quand ça commence, donc on prendra le temps de faire dégager les sujets sur lesquels on souhaite discuter. Et on commencera donc la première ronde d'atelier quand on aura dégagé ces sujets. Et ça finira quand ça finira. Donc on essaiera de tenir les horaires. Mais en tout cas, voilà, vous prenez également des temps de discussion. Et chacun participera donc à la co-gestion de ce moment. Et puis il y a cette règle des deux pieds sur si à un moment donné vous sentez que vous ne contribuez plus ou vous n'apprenez plus ou ça ne vous intéresse plus, vous pouvez vous déplacer dans d'autres espaces, d'autres groupes et également en former de nouveaux. Vous pouvez former des groupes à votre guise autant que vous voulez. Donc, avant de commencer, très concrètement, comme il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui qui n'ont pas participé hier, on vous propose de prendre une ou deux minutes avec une personne qui est à votre gauche ou à votre droite, de préférence que vous ne connaissez pas forcément, pour juste discuter avec lui ou elle ce que vous avez vécu hier et quelque chose qui vous a marqué, une expérience, une rencontre ou ça. Pendant une ou deux minutes, et puis je reprendrai le micro dans deux minutes pour du coup arrêter ce premier tout petit temps de discussion. Dans cette discussion, vous pouvez aussi aborder qu'est-ce que vous avez envie d'aborder aujourd'hui, quels sont les sujets que vous aimeriez discuter. Donc on prend deux minutes comme ça et ensuite on reprend du coup le moment collectif pour faire dégager les thématiques. Donc vous pouvez vous tourner vers votre voisin, voisine de gauche ou de droite. Donc, vous pouvez terminer votre discussion, votre conversation. Si je vais vous proposer un moment de centrage avant d'aller à la pêche aux questions, etc. Donc je vous invite à poser vos deux pieds par terre, à vous enfoncer dans votre fauteuil, à fermer les yeux et faire silence, ou si les yeux ne se ferment pas forcément sans se forcer, juste déposer le regard quelques mètres par terre devant vous. Et vous allez suivre le fil de votre respiration quelques instants. Vous inspirez par la pointe des pieds, ça remonte au sommet du crâne. Vous expirez du sommet du crâne à la pointe des pieds. Et vous suivez ce fil de votre respiration. Et à mesure que vous respirez, vous vous déposez tranquillement à l'intérieur de vous. Essayez de bien prendre contact avec vous pour bien vous centrer. Et dans ce calme, dans cette paix qui s'installe, vous allez accueillir vos intentions de la journée. Un peu toutes ces énergies qui vont dessiner votre journée. Comme si ça allait être un voyage que vous allez vivre, que vous aviez une bande-annonce. Sans qu'elle soit très précise, mais plus comme un parfum, un goût, une impression. Et une fois que vous êtes bien avec ça, vous allez penser au Common Scamp. Aux histoires que vous avez de voir se construire un monde qui nous plaise plus à tous. Vous allez imaginer que c'est comme une espèce de pâte à tartiner qui se dépose sur votre cœur et que vous allez étendre un peu partout sur tout votre corps et dans toute la pièce. Des espèces de grands bains d'argile parsemés d'étoiles. On va à présent aller creuser dedans pour voir quelles pépites on va travailler ensemble. Donc vous pouvez revenir doucement à ce moment, à cette pièce et cette communauté. Merci Selma. On vous propose donc de dégager les propositions pour la journée. C'est très simple, il y a des feuilles, des stylos, donc vous pouvez venir prendre une feuille et proposer du coup une idée qui va former donc ici sur ce tableau là une proposition d'atelier qui va ensuite former les ateliers. On a à peu près 6 espaces. Donc l'idée c'est qu'on puisse en avoir peut-être 4 ici et 2 en bas. Et donc voilà, commençons par construire le programme tous ensemble. Et ça commence donc pour que les personnes proposent des premières idées et qu'on construise le programme de cette journée. J'ai eu un moment vraiment de très grand bonheur en fin de journée hier et je tenais quand même à le partager, pardonnez-moi, ce n'était pas prévu. J'aurais vécu sans pour Mixamaïs à Toulouse et pour Arfactories d'autre part. Je n'ai pas assisté à cet atelier-là, donc je ne suis sûrement pas le plus légitime pour en parler. Mais c'est constitué l'Assemblée des lieux intermédiaires de Marseille hier et je crois qu'on peut toutes et tous en féliciter ici aujourd'hui. Donc bravo au Common Scamp et aux personnes présentes qui ont favorisé la formalisation de cette assemblée des lieux intermédiaires de Marseille. Et ce serait peut-être intéressant justement de poursuivre ce travail-là et peut-être jusqu'à une assemblée constituante des communs de Marseille. Qui sait. Merci beaucoup. dès qu'il y a les premières idées, vous pouvez venir ici, la lire, la présenter, mais très succinctement, sans forcément rentrer dans les détails. Et ensuite, on va la noter. Il y a deux personnes qui vont poser du coup les propositions de thèmes. S'il y a des thèmes qui se recoupent, on va les mettre ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà exprimé une idée qui est proche de la vôtre, c'est pas forcément nécessaire de la réexprimer. Vous pouvez la compléter. Mais... Bonjour à tous. Alors, je voudrais proposer un atelier sur la possibilité. Il y a un petit programme de recherche action en cours qui s'appelle Agir par les communs, et dont l'objectif est de construire des outils juridiques partagés par toutes les structures qui s'occupent de produire des communs en France. En France, parce que c'est au niveau du territoire national, enfin bref, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Et donc de travailler entre toutes les structures pour les aider à se fédérer par le biais juridique, pour pouvoir constituer une espèce de force commune pour être capable de peser dans les rapports de force avec les pouvoirs publics. Et donc de se constituer. Recherche-action, rapport de force avec les pouvoirs publics. On va faire des interventions très très courtes pour qu'on puisse. C'est vraiment l'idée principale, c'est en une phrase. D'autres propositions ? Bonjour à tous. Donc, les artistes de l'Asilo donc, proposent un atelier de. Un collage collectif pour expérimenter leur expérience de l'interdépendance à travers les pratiques artistiques. Voilà. Quelqu'un d'autre ? J'aimerais ajouter une note à la pratique de co-construire l'agenda. Quand vous allez venir à l'avant, vous allez décrire votre atelier, ça serait une bonne idée de vous déplacer avec le micro et venir à l'agenda pour placer votre atelier là où il va être. Ça, c'est des espaces. A, B, C, D, E, F. E et F sont en bas. Et puis les quatre autres sont ici. Et les rondes, c'est l'espace-temps. Donc ça, c'est le premier bloc, deuxième bloc, et ainsi de suite. Donc, pour qu'on puisse clairement associer votre invitation à quand ça va avoir lieu et où. Ça va tous nous aider à savoir quand on veut faire des choses. Donc, ça serait beaucoup plus utile pour tout le monde. Voilà. Oui, mais comme je l'explique, les rondes, c'est qu'il va y avoir différents temps. On va creuser un premier sujet, un deuxième, un troisième, etc. Tu peux présenter ton donc, pardonnez-moi, non, j'ai fait des choses un peu à l'envers, désolé, pour le prolongement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'Assemblée des lieux intermédiaires de Marseille qui s'est constituée hier, donc, c'est de voir justement comment ça continue maintenant que cette Assemblée a fait une magnifique déclaration d'intention, et ce sera peut-être aussi l'occasion de la repartager, parce que moi j'ai eu la chance d'assister à ce moment fondateur, mais encore une fois, ça m'a tout à fait enchanté, de voir comment ça continue et quelle articulation possible également avec l'Assemblée des communs à Marseille à venir, à formaliser ou pas, quelle suite. Merci. Donc là, s'il l'a mis en ronde 4, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Il commente en ronde 1, ça veut dire que c'est maintenant. Dans l'espace A, ça veut dire que ce sera là-bas. Voilà, on continue. Ça, c'est ce matin. Ça, c'est fin d'après-midi. Espace A est ici, B est ici, C est ici, E et F sont en bas. Autre proposition ? Oui, une proposition pour débattre autour des questions d'abonnés. Voilà. Et éventuellement faire un récit d'exemple ou d'expérience par rapport à ce qui existe. Alors, autre proposition sur les droits d'usage ou des usagers. Qu'est-ce que c'est un droit d'usage ? Et bon, ceci, j'exprime ce désir-là d'en parler, puisque en tant que participante de l'Assemblée de la Plaine, eh bien, le droit d'usage nous l'a complètement interdit. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut être une loi dans la loi, ou est-ce qu'on la prend sur le terrain du droit d'usage? Et vous la placez où et quand? Ben c'est ça, il faut. Ça, on va attacher les deux, la présentation et le où et quand. Ronde 2. D'accord, espace A. Votre attention, s'il vous plaît. Il y a une petite problématique de compréhension par le fait qu'il y a des groupes qui parlent et d'autres que non. Et il y a trop de gens en face de l'agenda, ce qui fait que vous ne le voyez pas. Donc on va déplacer les annonces au centre du cercle. Vous apportez vos feuilles au centre du cercle. Donc voilà, vous venez me rejoindre ici. On va essayer d'encourager nos amis à écouter éventuellement. Et donc, vous venez ici, vous prenez le micro, vous annoncez votre invitation, et après ça, vous allez placer pendant que vous avez le micro. Attends, je vais le faire au complet, OK? OK, je vous invite à papier rose. Et je vais le placer dans l'espace D à ronde 1. Et après ça, je reviens au centre avec le micro. Et je donne ça à la prochaine personne. Kevin. So there are a few of us here from Barcelona that want to discuss the and some others of course that want to discuss the social forum process and the commons camp process and the relationship between them. So we will have a session about that. Round 2. Donc la proposition, c'est de réfléchir aux questions du forum social et du processus des communs, à l'articulation entre les forums sociaux et les communs. C'est en ronde 2, c'est, mais vous allez le voir ensuite avec Kevin. Autre proposition? Ok. We'd like to propose again, coming from Ireland, we see our matching of the commons as a more radical project, social political project. So we are proposing a discussion around where do radical are they situated within people's specific ideas or contextualization of their idea of the commons. Again, because if you're talking about creating European networks and you really want to know who you're being affiliated with, anyway, and then so simply then thinking beyond the commons, so on kind of a macro scale, some federalism or whatever, and then the social ecological. In round one, is that? And put your name also in the. Donc, juste une traduction très rapide et succincte. Aborder la question au-delà des communs, la question de la radicalité politique et l'écologie sociale. Donc une proposition de réfléchir à d'autres échelles à partir des communs, mais une échelle aussi plus large au-delà des communs, en lien notamment avec les réflexions sur l'écologie sociale. Donc ronde 1B, vous retrouverez cette thématique d'atelier maintenant. À toi. Thomas, bonjour à tous. On aimerait discuter des pratiques de documentation et de comment on peut les instaurer, les accompagner, les transposer dans les collectifs militants, activistes ou tous ces mouvements, les accompagner à plus documenter leur lutte et partager ce qu'ils font à travers les pratiques de documentation. Et du coup, ronde 1, qui est du coup au cas de la poste. D'accord. Lorenzo. Alors, le thème, the thing will be, I'm going to say in English and I hope you will translate. Open designs and commons productions. how can we design and produce products for real social needs, ecological, proximity, circular economy, recycling, spaces and sharing arrangements for people coming from the arts, engineering, produce design, marketing, ecology, makers, to build factories for the future of the future. Yes, I would like to discuss with other activists in the digital field and what we can share is our project at Asilo in Italy, which is called Cuboto. It's a project to archive, to create an archive of media, of video and all that stuff. And I would like to create a network even with other persons who are working in that field. Donc très rapidement, les amis, à partir de l'expérience de l'Asilo, l'important de créer un réseau entre les groupes qui s'engagent dans les communs numériques. Donc, ronde 1 de this morning? Now? Ok. C, peut-être, un C, ronde 1, avec l'Asilo sur les communs numériques. I propose. I propose a session about the words of the commons, how we speak about the things related to the commons in different languages, the traditional words for the commons and the new words that are starting. Propongo una sesión sobre las palabras de los comunes, sobre las palabras de los comunes tradicionales que tenemos en las distintas lenguas y sobre las que están emergiendo. Donc une proposition de travailler sur les mots des communs, sur les concepts, les idées des communs autour du coup des mots, des expériences sur les communs. Dans les différentes langues et à partir des différentes expériences. Donc ce sera cet après-midi, le ronde 3, au B, ou C, mets ton nom, your name, David, avec David. Bonjour, moi je travaille pour un très vieux lieu, mais j'ai 27 ans et c'est la question de l'ouverture qui me pose question. Donc je l'ai intitulé « La question de l'espace ouvert en 2020 ou comment ?» S'il y a des aînés qui veulent bien venir partager leur expérience avec moi, avec plaisir. Merci. Lucie. Plutôt l'après-midi. Donc ronde 3. Moi, je voulais proposer de parler des données en commun, données produites en commun pour en particulier dans le contexte de la ville et aussi de ce qu'on appelle en termes marketing la smart city ou des choses comme ça. Comment on peut faire résistance différemment face à ces fatigues. Voilà. Et comment produire et quel est le rôle dans la ville de demain en fait de ces approches là Ça peut rejoindre peut-être sur la question des communs numériques avec l'Asilo autour de la question numérique en ronde 2 peut-être le mettre à à cet endroit-là à côté. Okay, hi everyone. I would like to propose maybe a discussion about Southeastern Europe Commons Camp or Commons Camp in the Balkans in 2020. I would like to discuss possibilities. Maybe we should relate this to other upcoming Commons Camps so we can consider all these possibilities, because there is a lot of going on in that area that is under the radar, maybe a bit at the moment. Donc une proposition sur le lien d'organiser le Commons Camp dans d'autres parties de l'Europe, en particulier le sud-est de l'Europe, le lien avec les Balkans également, et donc une proposition d'élargir l'expérience du Commons Camp dans d'autres espaces géographiques. Donc les personnes qui souhaitent approfondir pour essayer de travailler cette question-là, Yonin Arangio. Arangel, this afternoon, maybe, round 3, D. Oui, bon, moi je m'appelle Yves Fradega. Donc, hier, c'est pour rebondir sur ce que disait Joël tout à l'heure, c'est constitué l'Assemblée des lieux intermédiaires de Marseille, ça fait Alim. Donc c'est à savoir comment on va alimenter ça, et la question de savoir ce qu'on, plutôt que de se dire qu'est-ce que ça va devenir, c'est qu'aujourd'hui on sache ce que ça va, comment ça va se constituer, ce qui va se défendre et se proposer. Voilà. Donc il y a déjà un groupe ronde 1A. Vous compléterez, vous reformulerez à partir de ce que vous apportez. Vous pouvez le faire ensemble. D'autres propositions? À partir de l'expérience du groupe sur la santé d'hier, souvent le mot commun est associé à plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire à appauvrissement de ce qui circule. Mais dans notre expérience dans ce groupe, on a vu que les conditions de la confiance et de l'écoute pouvaient être réunies, notamment par la taille du groupe, mais aussi par une certaine façon de s'écouter. Et il est possible qu'émerge une mise en commun de l'intériorité, voire de l'intime, et donc richesse et diversité. C'est ronde 1, c'est ce matin sur la question de l'intériorité. S'il vous plaît, écoutez encore ceux qui font des propositions, parce qu'il y a des propositions qui se recoupent, comme ça on essaye d'optimiser. Alors moi j'ai une proposition qui est un peu une bouteille à la mer, ce sera peut-être pas compris par tous, mais c'est pas le but du jeu. Donc c'est comment bâtir du distribué, du confédéré, à centraliser, j'ai des mots-clés comme fractal ou volant qui viennent aussi en tête, ça permet d'expliquer ça, comment on fait des métastases et on les met en réseau, ça peut aussi s'appeler comme ça. Quels sont les défis ou vos bonnes pratiques, des implémentations déjà actuelles qu'on peut coopérer sur ces questions-là? Alors c'est ça, c'est bâtir du distribué, du confédéré. Donc la question du confédéré et peut-être du confédéralisme des communs, comment des alliances comme ça peuvent se créer entre plusieurs pratiques. Ok, donc là on a une proposition qui rejoint un petit peu l'administration en commun. C'est en fait de partir de cas concrets pour étudier comment est-ce qu'on peut agir, notamment au point de vue des outils juridiques, pour créer un rapport de force avec les institutions, avec un objectif final qui serait pourquoi pas une administration en commun. Voilà, et on propose aussi, alors donc, du coup on vous invite à nous amener des cas concrets. On sait déjà qu'on a déjà une personne qui souhaiterait nous soumettre un cas. Et si on ne peut pas traiter tous vos cas, on va en fait vous mettre à disposition une adresse mail, parce qu'on essaie du coup à partir de ce Commons Camp de créer une petite équipe juridique européenne pour réfléchir à ces questions. Et donc du coup, on va donner l'adresse de Maria Francesca. Maria Francesca qui va vous donner son adresse. Et donc, si vous avez des cas à soumettre avec des réflexions juridiques, envoyez-les. Et nous, on va se mettre en réseau plusieurs juristes pour travailler sur ces cas pratiques. Voilà. Et ça sera peut-être la ronde 2, oui, plutôt. 2B, oui, c'est ça, avec l'administration publique, voilà. Peut-être qu'il peut y avoir une seconde ronde, parce que ça c'est ronde 2 ce matin, et du coup une seconde ronde cet après-midi pour approfondir ce qui aura été créé ce matin. Je voulais juste partager une proposition qui est en train d'être modifiée en temps réel de Tim. Sorry, my French is not good enough. How can we imagine the relationship of the commoners to existing political parties, especially those on, inverted commas, the left, at the grassroots level, municipal and national? And it's for us to share experiences that we have of this kind of relationship and to think about how we can create a relationship between the levels, because certainly in England there is a cut-off between the grassroots levels and the national levels and the municipal levels. So as commoners, maybe we can re-engineer some of these relationships. Non, du coup, juste peut-être pour les non-anglophones, donc l'idée c'est de travailler sur les liens entre les communs et les partis politiques, au sens entités qui ont une légitimité, une forme de représentativité d'idées politiques, particulièrement celles qui sont à gauche. Et travailler sur le diagnostic de décalage entre, on va dire, le niveau local, grassroots, et puis le niveau national, voilà, en partant de décalage, c'est avoir une fracture. Ouais. Plutôt cet après-midi. D'accord, et nous proposons la mise en pratique du municipalisme théorique. Le municipalisme est déjà mis en pratique et l'expérience, le partage d'expérience de la ville de Barcelone en commun. Ce matin, peut-être dans la ronde 2 sur l'administration en commun, et cet après-midi, peut-être une seconde ronde qui pourra approfondir. Il me semble qu'on va être dans les dernières propositions pour qu'on puisse ensuite partir sur les différentes propositions, on va évidemment les relire. Et voilà, donc les dernières. Bonjour, moi j'aurais bien voulu qu'on travaille sur comment on fait en fait pour faire communauté, une communauté où on ne reproduit pas les rapports de domination, comment est-ce qu'on est vraiment hospitalier, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, on fait de la gouvernance partagée, au-delà des bonnes intentions, voilà, qu'on partage un peu là-dessus. Merci, à tout à l'heure. Et pour le moment, quand il y aura après-midi maintenant, ronde C. Bonjour, Lucie. Alors, je ne l'ai pas vu vraiment apparaître. Moi, je voulais parler de la question écologique, en fait. Simplement voir si c'était une question qui pouvait apporter quelque chose de plus ou inspirer la question des colons. Ou est-ce qu'elle y est déjà dedans dans Peut-être que ça peut être avec social écologie à ronde 1B. Il y a du coup la question de la radicalité politique au-delà des communs et la question de l'écologie sociale, donc ça peut être ensemble sur le débat sur la question de l'écologie. Ronde 1B. Bonjour, donc nous c'était pour la question de l'habitat, savoir est-ce que l'habitat pouvait être considéré comme un commun, recueillir des expériences là-dessus, faire un point sur les législations existantes ou à créer, et voilà, et puis se poser la question est-ce qu'une autre manière de créer de l'habitat permettrait de fabriquer une ville pour les habitants. Voilà. Ok. C'est bon au niveau du coup de toutes les propositions. Pierre-Alain, sur les dernières propositions. Il en reste une. Oui, mais peut-être qu'on... Mais à moins qu'il y ait d'autres propositions. On n'est pas obligé de remplir tous les cadres. Le plus important, c'est qu'on ait défini le programme tous ensemble et que chacun ait pu proposer une thématique. C'est ça le plus important. Oui, alors moi je propose, je suis intéressé par les jeux de cartes en commun, qui est quelque chose qui commence à se déployer dans le réseau et qui permet de produire, on va dire, de la connaissance partagée très rapidement, mais sous la forme analytique. Et donc, évidemment, pour partager d'abord la question des communs, mais ça peut être aussi tout type de sujet, et ça peut permettre de faire, comment dire, de construire du savoir, on va dire, de le partager, voilà. Et je sais que c'est... Il y a quelques personnes ici qui ont testé, donc j'aimerais les partager avec eux. À mon avis, ça va très bien sur la ronde 1E, sur la question de l'open design, notamment Lorenzo, c'est notamment sur les cartographies, donc vous allez pouvoir mettre ensemble. Alors, ce qu'on propose, c'est qu'on va débuter du coup les rondes, la première série de rondes. Peut-être que tu peux lire les premières propositions de ronde. Non, ok. On va le faire. Ok. Non, mais c'est pas une question. Alors, on va appeler du coup, par exemple, la ronde 1A. Et ce groupe-là va se former. Les personnes qui sont intéressées par ce groupe, ils forment le groupe et ils trouvent un espace. On a 4 espaces ici et 2 espaces en bas. N'oubliez pas, dans chaque groupe, d'autogérer la documentation. Vous avez des fiches ici, vous avez des feuilles, vous avez tout ce qu'il faut pour la documentation. Chaque groupe autogère sa documentation. Donc, on va lire sur la première ronde les propositions et ensuite on va les appeler une après une. Ronde 1, la proposition... Ouais. Alors, il y a l'Assemblée des lieux intermédiaires qui veut poursuivre les discussions sur la ronde 1A et avec Joël donc, et Yves, ronde 1A, les personnes qui veulent poursuivre la discussion sur les lieux intermédiaires. On va lire l'ensemble et ensuite vous pouvez vous répartir. Pardon. La ronde B, la question de l'approfondissement des radicalités politiques et la question écologique, comment apporter une dimension supplémentaire au commun. Ça, c'est la ronde 1B. La ronde C, toujours sur cette première, c'est passé. La question de l'intériorité et de comment développer des approches sensibles dans les communs pour créer les conditions de confiance au sein d'un groupe, donc vraiment les dimensions profondes de ce qui se passe au sein d'un groupe pour pouvoir créer de la coopération et des communs. Le quatrième groupe, comment instaurer des pratiques de documentation dans les milieux militants. Le cinquième groupe, l'enjeu de l'open design et des cartographies en commun. Et enfin, ici, la question de l'administration des communs, les enjeux juridiques et les liens avec les municipalités, collectivités locales et les puissances publiques de manière générale. Donc on a 6 ateliers pour ce matin, sur ce première ronde. Évidemment, vous pourrez prendre connaissance aussi des autres propositions et en fonction de comment se passent les premiers ateliers, essayez d'alimenter le travail sur les propositions suivantes. Si ça va à tout le monde, on part en atelier. Donc il faut que les personnes s'annoncent, les personnes qui animent chaque atelier. L'Assemblée des lieux intermédiaires, Yves. Si. Peut-être vous pouvez vous mettre dans l'angle là-bas. De ce point. La question de l'écologie. Qui a proposé du coup la question de l'écologie qui vont se mettre ici, le B, le C, la question de l'intériorité et du groupe avec ton prénom, pardon, le prénom, avec Bernard, ici, la question de la documentation des communs, avec Yves, là-bas. et l'open design et l'administration en bas. Donc deux groupes, la question de l'open design, du digital et des cartographies et le lien avec l'administration. Donc on vous invite à rejoindre les groupes et à lire également les autres propositions pour la suite dans la matinée. Merci. Ça va, j'étais pas. En fait, juste là, je voulais venir te voir. Ouais, juste t'exprimer à Yves comme quoi, sans que tu aies un sentiment. Il y a eu un débordement, mais on avait demandé une expertise, une fois mensurable, pour gérer ces débordements. Je pense pas que le chaos vient de faire tout ça, mais comme parce que tu n'as pas fait quelque chose comme ils m'ont dit. Je pense que tu t'es trompé. Même si je pense que ça a été difficile, je ne pense pas que je suis d'accord. Je voulais que comme des vertus, pas parce que Non, moi c'était juste que quand tu as voulu encore reprendre la parole, mais si tu ne le faisais pas, moi j'ai compris que tu gérais le tableau, donc les recoupements. Parce que moi, justement, moi je me suis complètement perdu. Quand les gens ont commencé à venir me voir, le gérer, j'étais plus le sujet, j'avais plus c'était quoi le recoupement. C'était vraiment un truc de densité d'infos, vitesse, etc. C'est pour moi, c'était pas possible. J'ai aucune idée c'est quoi les sujets. Thank you.